Bonus. Trax. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs. Enfilez votre caouet, relevez votre capuche, nous partons sous la pluie. Méfiez-vous, rien ne vous y veut du bien. Les sirènes de l'adversaire rôdent et la seule zone sûre est Libreté. Mais le danger guette, à l'extérieur comme à l'intérieur. Bonne écoute. Bien, nous sommes donc ici réunis ce soir pour la deuxième session de Libreté, troisième si on compte la création de l'enclave en elle-même. Donc dans cette deuxième session, nous retrouvons Brise Rotule. Brise Rotule, qui joues-tu ? Je joue Martel, la chef des marmites. Bien, et nous avons également avec nous Malouin. Je suis Pitoun, le petit garçon. Pas vraiment partie d'aucune équipe, enfin il fait partie d'aucune équipe en particulier, on va dire. Non, j'aime bien tourner entre. J'aime bien tourner du côté de la cuisine quand même, mais. Tout à fait. Et nous avons Riley. Bonsoir, moi je suis la princesse Jasmine. Je suis une petite fille de 12 ans qui utilise un ton méprisable et qui est assez égoïste. Alors rien à voir avec Aladdin. Eh ben on le découvrira peut-être ce soir, je ne sais pas. Et pour finir, nous avons Choukoula. Moi, c'est Gros Momo et je suis un lieutenant de Pétard, donc un sous-lieutenant. Donc Pétard et qui est lui-même un lieutenant des ampoules et risque tout. Ah, ceux qui font des expéditions à l'extérieur, effectivement. Exactement. Bien, nous avions stoppé notre dernière session alors que se passait-il ? Nous avions un retour de mission, justement, avec un gabin... manifestement épuisé, qui tenait un Johnny blessé qui revient de l'expédition. Ils étaient quatre à la base, ils sont que deux à revenir. La pluie tombe évidemment à l'extérieur de l'enclave dans un rideau assez fort. Vous voyez pas grand chose. Et donc ils sont revenus et ce Johnny est blessé, est au sol, est inconscient et Gabin lui-même ne peut que souffler que les deux autres sont morts avant de s'écrouler. Tout le monde est un petit peu choqué. Que faites-vous donc ? Moi, je serre la main de Martel, parce que j'ai peur. Eh bien, je passe mon bras autour des épaules de Jasmine. Je la tire contre moi. Moi, je me précipite vers Gabin, et puis j'essaie de les aider à rentrer le plus loin possible de la porte. Il y a Edouard et Cathy, hein, deux gardoches, qui sont aussi là, effectivement, et qui arrivent à tirer les deux à l'intérieur, hein, et qui essayent de refermer, enfin, qui poussent la porte pour la refermer derrière eux. Ils appellent à l'aide, savoir si quelqu'un pourrait essayer de les soigner ou faire quelque chose. Et justement, quand tu t'approches comme ça, il dit « Pitoune, va chercher quelqu'un pour les soigner, va chercher un peu de matériel, je sais pas ce qu'on a. » Je me précipite pour aller chercher des... Moi, je vais l'aider, ouais. Qui c'est la personne qui soigne, je me souviens plus. Et on n'a pas défini ça, il n'y a personne a priori, alors est-ce que... En tout cas, il n'y a pas de groupe. On pourrait dire que... Dans les binocles, il n'y a pas de personne qui serait plus apte. Ouais, on pourrait dire que les binocles... Ouais. Eh bien, ça pourrait peut-être. Ça pourrait être la chef des binocles, peut-être, Belle. Moi, je regarde désespérément Belle, je lui dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? T'as besoin de quoi pour qu'on puisse les ravistoler ? Alors, tu regardes qui, pardon ? Belle. Alors, elle est pas présente, donc il faut éventuellement aller la chercher. Ah, bah, je vais l'appeler, je cours l'appeler. Alors, vous courez... Difficilement, avec mon surpoids, mais... Alors vous courez tous les deux avec Pitoune, hein, si je comprends bien. Ouais, avec Pitoune. Alors pour le coup, vous la trouvez assez rapidement, en fait elle est dans le couloir et avec tout le bordel qui se passe, elle était en train de se rapprocher. Donc elle comprend assez vite qu'il y a manifestement urgence et elle s'approche de l'entrée. Donc elle arrive et elle voit les blessures des... Alors, Gabin, c'est manifestement assez peu blessé, mais Johnny est quand même en assez mauvais état. Et du coup, il vous demande d'aller... Il faut vite aller chercher de l'eau, il faut chercher de l'eau, là. De l'eau ? T'as pas besoin de bandages ou de tissus ou je sais pas ? Moi, je vais chercher de l'eau. Si, si, de l'eau, des tissus, effectivement, pour nettoyer tout ça. Donc, allez chercher de l'eau. Bah, moi, je vais chercher de l'eau parce que c'est risqué. Je demande à Pitoune d'aller chercher un tissu ou un drap. Les tissus, ouais. Ok, bah donc Pitoune, tu vas dans le stock, c'est juste à côté. Hein. C'est pas très compliqué, donc t'arrives à trouver des tissus que tu peux déchirer. Alors, t'essaies de trouver j'imagine le truc le plus propre possible. Hein. Oui, bah oui. Toi, Gros Momo, tu descends, donc du coup, tu passes par la cuisine. Ouais. Je sais pas si vous voyez le plan, hein, tous, hein, le, rappelez-vous, l'eau, elle est ici, hein, c'est là qu'est la source. Donc tu passes par Ekvin, tu passes par le caviste et tu descends la cave par l'escalier. Arrivé en bas, tu trouves Liam, l'apprenti sorcier. Liam, on a besoin d'un peu d'eau pour soigner les blessés qui viennent d'arriver de l'expédition. Tu peux m'en récupérer un seau ou une petite bouteille rapidement, c'est urgent. Alors, il prend une bouteille, il regarde à droite, à gauche, je sais pas où est le sorcier. Allez, dépêche. Je sais pas où est le sorcier, il s'avance vers la porte, du coup il ouvre et il y a un robinet, hein, mais il y a des tuyaux partout, il tourne le robinet, tu vois qu'il n'y a pas d'eau qui coule. Je sais pas où est le sorcier. Je regarde rapidement si je peux pas déceler où ça peut être, où je peux récupérer l'eau. Il y a des vannes un peu partout, il y a un robinet mais qui vient de tourner, qui ne laisse pas couler d'eau. Si je suis le robinet, enfin si je suis le tuyau du robinet, est-ce que je peux voir la première vanne là? Alors les robinets les tuyaux qui partent un peu entre les murs, entre des meubles, donc c'est un peu compliqué de suivre ça, et t'as des vannes un peu partout. Tu n'arrives pas, enfin là comme ça, tu passes du temps à essayer de voir d'où ça peut venir, enfin qu'est-ce qui peut bloquer, mais tu n'y arrives pas. Alors il y a Liam qui regarde aussi, qui commence à tourner une vanne, puis une autre, qui fait des essais, et qui arrive à rien du tout. Martel, Jasmine, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, hein? Pas obligé. Moi, je prends conscience de mon inutilité parce que je suis complètement dépassé par la situation. Je gagne un point de bile. Purple Nord. Moi, je cherche des yeux quelqu'un des marmites dans l'assemblée. Et si je trouve quelqu'un des marmites, et ben, je lui demande d'aller faire chauffer un bol de... Le blessé, il est pas en état de... Enfin, il est inconscient, hein, c'est ça? Johnny est inconscient, Gabin, il est un peu dans les vapes, quoi. Il est épuisé, manifestement, il est... il a du mal à rester conscient. Je demande à un membre des marmites d'aller faire chauffer un bol de soupe. Alors à qui? Dis-moi, qui trouves-tu? Bah écoute, il y a Belette qui devait courir dans le coin, comme d'habitude. Ok, donc elle hoche la tête rapidement et elle se casse en courant. Donc vous voyez également Belle, hein, qui se penche et qui commence à essayer de nettoyer les plaies, à ouvrir... les vêtements là où ils sont blessés. Alors il y a un peu de sang, vous voyez pas de coupure, hein, mais des ecchymoses un peu partout. Donc au bout de quelques minutes, vous voyez le sourcier en fait qui déboule un peu nonchalant. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez dans mon... Vous avez rien à faire là, c'est pas pour vous ici. Gromo, tu sors de là s'il te plaît. Moi je lui explique la situation en panique, comme quand on a besoin d'eau pour guérir les blessés, selon les instructions de Belle. Donc j'ai besoin d'eau de manière très urgente. Ok, bon, il lâche la tête, ok, sors de là et je m'en occupe. J'en ai besoin maintenant, ah, ok. Ouais. Il vous pousse tous les deux hors de la pièce et referme la porte. Et au bout de... 30 secondes, hein, qui paraissent durer quand même longtemps, mais voilà, il ressort avec une bouteille d'eau qu'il te tend. Je cherche même pas à comprendre, je pars et je cours dans la gueule. Pendant ces 30 secondes-là, en fait, t'as Liam, l'apprenti, qui te regarde d'un air un peu piteux, qui hausse ses épaules, et voilà, qui te dit rien de spécial. Okay. Et donc tu reviens rapidement avec cette bouteille d'eau. Et donc Belle la prend et commence encore une fois, à nettoyer un peu les plaies et à voir ce qu'elle peut faire. Qui parmi vous jette un œil par la porte? Moi, après avoir jeté, après avoir donné l'eau, je regarde un peu autour de moi, donc les blessés, la porte. Tu vois une forme un peu humanoïde dehors, hein, qui semble se rapprocher assez lentement. Tu as du mal à voir derrière le rideau de pluie, mais tu vois cette forme qui s'approche. Yes. Et les gars, je dis à mes gars des ampoules, j'ai fait, et les gars, c'est qui là-bas? Et notamment à Pétard, qui doit être, enfin, soit Pétard, soit un des gars de... Pétard est pas là. Ben, un des gars des ampoules, s'il y a un mec que je connais. Ouais, comment il s'appelle? Je vais demander à Martel, parce que je sais qu'elle a l'œil, donc je demande à Martel. Et... Martel, c'est quoi ça là-bas? Martel, elle fait pas partie des ampoules. Non, mais je demande à Martel. Donc, tu vois une forme qui au début te semble un peu humanoïde, et en fait, plus elle se rapproche, et plus. Enfin, moins elle te semble humanoïde, en fait. Ça ressemble à une espèce de truc à quatre pattes. Et tout d'un coup, alors que vous plissez les yeux à vous demander si vous voyez vraiment quelque chose ou pas, tout à coup, cette forme va très très vite, et vous voyez qu'il y en a deux. Vous voyez ces espèces de jeux à ressort que vous voyez sur les aires de jeux pour enfants? Oui. Ouais. Qui permettent d'aller en avant et en arrière. Ouais. Eh bien, vous avez deux trucs comme ça qui, au lieu d'avoir un ressort, ont quatre ressorts sous eux et qui cavalent comme ça vers la porte. Et le premier défonce la porte. Connais-tu cette chanson qui réveille les petits garçons? Connais-tu cette mélodie qui réveille les petites filles? bah là, je crée à l'abri. qui n'était pas fermé correctement, en tout cas. Et la porte explose ? La porte s'ouvre en claquant. Enfin, elle est grande ouverte, ouais. Voilà, c'est ça, s'ouvre en claquant. Elle n'explose pas, mais elle s'ouvre en claquant. Elle encaisse quand même un choc assez sévère et vous détaillerez peut-être plus tard dans quel état elle est, mais pour l'instant, elle n'est pas détruite en tout cas. Pour visualiser, on est là ? Vous êtes ici, à l'entrée en gros, enfin juste derrière quoi, je voudrais dire. Ouais. Ok. Si on estime que la porte est entre les deux murs gris, vous êtes dans ce hall derrière quoi. Oui. Voilà, je crie super fort, on est attaqué à l'abri ! Et je demande à tout le monde de rentrer à l'intérieur. De toute façon, les sirènes sont à l'intérieur. Ah, alors c'est un peu tard, hein. Les deux sont à l'intérieur. Ah, d'accord, ok. Sinon, elles commencent à bondir dans tous les sens et commencent à percuter des enfants qui hurlent en courant un peu à droite à gauche. Putain, ouais, bah je me mets à crier aussi. Je cours me cacher dans la salle du trône. C'est plutôt grand, imposant par rapport à nous ? Je te dis, c'est la taille exacte de ces petits jeux, ces petites plateformes là sur lesquelles tu peux aller d'avant en arrière sur un ressort géant. Donc c'est de cette taille-là. D'accord. J'essaie de regarder, de rassembler 2-3 risques tout pour essayer d'en arrêter au moins un avec... Alors tu fais quoi ? T'essaies de convaincre des gens de rester pour se battre ? Des risques tout, notamment, parce que je sais que les autres n'ont pas cet état d'esprit, mais les risques tout sont prêts à tout pour sauver le peuple. Donc. Ok. Pitoun, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'avoue que là, je ne sais pas ce que je fais, en fait. T'es figé. Je suis figé, oui. Très bien. Martel ? Alors moi, déjà, je vais prendre de la bile, parce que des êtres sans défense sont en danger. C'est une situation, effectivement, je pense, stressante pour tout le monde. Vous avez le droit de prendre de la bile, effectivement. Ouais. Donc je vais prendre 4 de bile. Ah, tu peux pas, c'est 3 maximum. Je vais prendre 3 de bile. Et j'ai un move protégé. Lorsque ma famille se trouve dans une situation dangereuse et que je veux la protéger, je fais un lancer. Et sur une réussite, pendant le reste de la scène, à tout moment, je peux faire des actions qui vont protéger ma famille. Mmh. Donc je pense que ça, c'est le bon moment pour tenter ça. Quoi. D'accord. Alors, on va commencer par Jasmine qui voulait fuir, je pense. Oui, tout à fait. C'est un move aussi, oui. C'est un move, ouais, de fuir, tout à fait. Je vais utiliser 2 de Bill. Très bien. Premier jet de la soirée. 11. Oui, mais... Ah, tu réussis. Tu tires d'affaire, tu arrives à fuir par une des salles, probablement par une des portes latérales. Mais, je choisis une option dans la liste. Tu ne t'en sors pas indemne, un de tes amis le paye, tu fais du tort à des gens qui vont t'en vouloir, tu casses ou tu perds quelque chose d'important, ou tu es séparé du reste du groupe. Mais écoute, c'est pas compliqué, tu fuis, tu te barres en repoussant les gens autour de toi, et du coup tu attrapes, je vais quand même te laisser un choix, tiens, tu attrapes une des personnes de ton groupe, de ta cour. Oui. Et que tu, en fuyant, en fait, que tu repousses, qui du coup tu la projettes un peu contre le mur et que tu la fais tomber en arrière. Et elle va se faire attaquer par la bestiole, par une des bestioles. Ce sera Sonia. Ce sera Sonia, très bien. Le sacrifice. Petite Sonia, 9 ans et 1 mois, qui se fait du coup percuter par un de ses engins à ressort. Mais je l'ai vu, j'ai volontairement... Ah, tu le vois du coup en tournant la tête pour regarder si tu te fais suivre. En fait, tu la vois effectivement par terre. Tu oui. comprends que c'est elle que t'as dû, que t'as dû un peu écarter. Et que, c'est probablement toi qui l'a fait tomber. D'accord. Elle d'ailleurs l'a bien vu aussi. Tant pis. Je vais me fuir dans la salle du trône par contre, ici. D'accord. J'ai reculé quoi. J'ai reculé. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Ensuite, nous avions donc Martel qui cherchait à faire. Donc, c'est quoi ? C'est un move de. Ouais, protégé. Move de maman. Eh bien, écoute, très bien. Eh bien, parfait. Sur 8-10, pendant le reste de la scène, je peux choisir à tout moment l'une des options suivantes. Forcer un ennemi à me prendre pour cible, détourner une attaque visant de mes protégés, interrompre l'action stupide d'un de mes protégés. D'accord. Voilà. Ok. Gros Momo, donc tu cherchais à convaincre un peu les gens, Ouais, rassembler, ouais. Rassemble 3-4... Alors, t'as déjà des gardoches, hein. Les gardoches ont déjà sorti leurs armes pour se battre. Hein. Ils se battent avec quoi, d'ailleurs ? Des armes, c'est-à-dire, ouais. Je vais te dire ça. Notre ami Edouard, lui, a une espèce de massue. Et Cathy a une petite masse, un genre de maillet, en fait. Je rassemble 3-4 gardoches armées pour essayer de mobiliser. Ah bon, on va faire le jet, déjà. On va voir si tu rassembles quelqu'un. Et on va voir si tu rassembles 3-4. Oui. Alors, combien tu mets de billes ? Je vais en mettre 2. Très bien. C'est un 12. C'est trop. C'est un 12, donc il t'écoute, mais je choisis une option. Soit tu l'as vexé, soit tu payes un peu trop cher, soit tu fais du mal à l'autre, soit tu ne t'en sors pas indemne, soit tu attires l'attention ou l'envie d'autres enfants. Donc tu commences à leur gueuler dessus, vous barrez pas, il faut se battre et tout. Tu regardes, tu vois les mecs qui te regardent d'un drôle d'air et qui disent « Mais tu crois qu'on a nos armes en main pour faire quoi? Vas-y, écarte-toi, mon gros Momo, on y va !» Et puis effectivement, ils sortent leurs armes et se précipitent pour se battre. Prends un point de bile parce que je me sens un peu vexé. Je me sens humilié, donc voilà. Mais t'as réussi néanmoins, tu vois. Oui. Je sais pas trop si c'est par bravade, tu vois, qu'il te dit ça, ou si s'il voulait vraiment le faire. Enfin bon, c'est pas forcément très clair. Tu vois qu'il y en a bien un ou deux, effectivement, qui avaient sorti une arme. Les autres, bon. Ouais. Tu sais pas s'ils allaient le faire ou s'ils allaient se barrer, quoi. Ok. Pitoun, donc tu restes figé sur place. Je reste figé un petit moment. Et après, en fait, j'essaie de me faire tout petit. Hein. J'essaie de ne pas me faire remarquer. Même si j'ai très envie d'essayer de protéger Belle et Belle qui est en train de soigner les blessés, j'ai plus envie de... De prendre de vilain coup. Ouais, j'ai pas envie de me prendre un coup. Est-ce que moi je vois Pitoun? Probablement, oui, bien sûr. Vous êtes au même endroit, hein, donc même si c'est un peu le chaos... Bon, au bout de quelques secondes, il y a quand même beaucoup moins d'enfants sur place. Attends, juste, je voulais dire, Koubel, effectivement, elle essaye de, à la fois de protéger de son propre corps les deux blessés et de les attirer vers un endroit un peu plus sécurisé, quoi. Avec grand mal, évidemment, parce qu'elle est pas, voilà, pas non plus très costaud. Elle est mignonne, mais pas forcément costaud, donc c'est un peu compliqué pour elle. Vas-y, je t'écoute. Moi, je voulais juste mettre à l'abri Pitoun, si je le voyais, par exemple, le mettre à l'abri avec Jasmine. Alors pour le coup, il est un peu de l'autre côté de la, plutôt de l'autre côté de la pièce, plutôt près de l'entrée. Alors que toi, t'es vers la sortie, vers la salle du trône, puisque t'essayais de rameuter les gens qui étaient plutôt pour toi en train de se barrer, quoi. Ok, donc Belle, elle est plus proche que Pitoun, par exemple. Elle est un peu entre les deux au final. Elle était au milieu de la pièce et justement, elle a bien du mal à tirer les corps des autres vers le bord. Okay. Du coup, la bestiole qui frappe, qui cogne de plein fouet la pauvre Sonia et qui l'éclate contre un mur, rebondit et le hasard, c'est un hasard, hein, finalement c'est pas un choix, le hasard fait qu'elle rebondit vers Pitoun. Bien sûr. Le pauvre Pitoun qui est fini. Tandis que l'autre s'approche de Belle, les gardoches essaient de s'interposer. Est-ce que ce serait pas le moment où j'utilise mon move protégé? Moi je joue les casse-coups. Donc alors, en gros, Momo, c'est quoi toi, tu veux essayer de te battre? Ouais. Très bien. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Bah, je fonce et j'essaie de repousser la bestiole hors de l'enclave. De l'enclave, ouais. À main nue? Bah oui. Tes petits poings? Tu vois? Bah, je sais pas ce que j'ai en fait en main. Ah bah, t'as un équipement en tout cas, après à toi de voir ce que tu... Bon, je passe à quelqu'un d'autre, je te laisse regarder un petit peu ça. Donc Martel, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Donc on est d'accord, il y a un truc à ressort qui font sur Pitoun. Ah, qui va foncer sur Pitoun, ouais, ça me paraît. Je détourne une attaque visant un de mes protégés, Pitoun étant un de mes protégés. Je m'interpose en fait, que le truc me prenne plutôt pour cible, et je repousse Pitoun derrière moi en lui disant de fuir vers la salle du trône et d'aller retrouver Jasmine. Détourner, attends, c'est soit tu forces un ennemi à te prendre pour cible prioritaire, soit tu détournes une attaque. Détourner une attaque veut pas dire que tu la prends à sa place. Eh bien, je détourne une attaque. Et ça, a priori, c'est pas non plus la détourner sur quelqu'un d'autre. C'est pas très clair. Ouais, je t'avoue que je vois mal la différence, mais. Ouais, vu que t'as fait une réussite, la différence entre quoi et quoi? Entre forcer un ennemi à me prendre pour cible et détourner une attaque. Ah bah, pour moi, détourner une attaque, ça veut juste dire que t'arrives à empêcher une attaque. Je fais une parade, quoi. Ouais. Bah, une parade, je pense pas, parce que t'as pas de hache à deux mains. Ah bon? Ah merde, c'est le mauvais jeu. Mais non, je pense que tu peux, par exemple, effectivement, la repousser peut-être d'un coup d'épaule pour qu'au lieu de foncer sur Pitoun, il fonce sur le mur, tu vois. Voilà. Après, forcer un ennemi à te prendre pour cible prioritaire, ça veut dire que on est sur la durée. Ouais, d'accord. Là, tu détournes une attaque, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Eh bien, je détourne une attaque et je repousse Pitoun vers la salle du trône en lui disant d'aller retrouver Jasmine. D'accord. Donc Pitoun, qu'est-ce que tu fais? Tu vois cette espèce de créature à quatre pattes ressorties qui te fonce dessus en bondissant un peu. Alors c'est une manière assez chaotique, évidemment, vous imaginez bien, avec quatre pattes sur ressort, la trajectoire est loin d'être très prévisible. Néanmoins, donc, tu vois cette créature qui allait se précipiter sur toi et tu vois Martel qui, d'un coup d'épaule, arrive à la repousser, elle percute le mur. au lieu de te percuter toi, mais néanmoins elle est juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Et Martel te crie de partir vers la salle du trône. J'aide Belle à essayer de repousser, de mettre Gabin et Patrick, ça, à l'abri. Ça ressemble à jouer les casse-couilles, je dirais. Oui, c'est vrai. À moins que tu aies un move de petit bout qui soit plus adapté, mais je pense pas. Non, le move que j'ai, c'est se faire tout petit et... Ah oui. Ah, c'était peut-être ce que tu voulais tenter tout à l'heure, d'ailleurs, du coup. C'est ce que je voulais tenter tout à l'heure, mais... Ah, bah ça, faut pas hésiter à me le dire, hein. Je connais pas vraiment par cœur les moves des livrets, hein, donc... Pardon. Non, mais y a pas de soucis, c'est... Bon. Désolé. J'ai changé d'avis. Le fait que Martel soit venu me protéger, je me dis que je peux essayer de protéger les autres aussi. C'est beau, putain. Ok. Eh ben écoute, tu vas faire un jouer les casse-coups pendant que notre ami Gros Momo nous explique s'il trouve une arme adéquate ou s'il fonce juste à main nue pour essayer de repousser les... Ouais, j'ai une batte... Une batte de baseball. Alors, je sais pas si je peux la faire en métal. En gros, je veux juste frapper dedans pour essayer de la rediriger ou même la... Voilà. Je veux juste frapper dedans, en fait. Je cherche même pas à comprendre. Je fonce et je frappe dedans. D'accord. Écoute, que ce soit en métal ou en bois ou en plastique, ça changera rien à ce qu'elle a à ses caractéristiques. Donc, j'ai envie de te dire que si tu veux qu'elle soit en métal, elle est en métal. Merci. Pitoun, tu mettais donc aucune bille dans ton jeu ? Si, mais c'est que je voulais en mettre deux en plus. D'accord. Ah. Ce qui nous fait donc un 13. Très bien. Tu voulais dire non ? N'oublie pas de dépenser la bille que vous jouez. Hein. Tout à fait, c'est noté. Donc tu réussis, donc tu arrives effectivement, peut-être, je sais pas comment ça se passe, tu vas nous décrire ça, je pense que c'est intéressant de savoir. Tu mets quand même deux de build, donc tu mets quand même pas mal d'énergie, pas mal de rage. Je vais juste décider avant de l'option, donc soit tu t'en sors pas indemne, soit tu fais du tort à des gens qui vont t'en vouloir, soit tu casses ou tu perds quelque chose d'important, soit tu laisses une piste facile à remonter, ou soit tu te sépares du groupe. Je pense que tu vas casser ou perdre quelque chose d'important. On va dire que ce faisant, en fait, tu arrives à les repousser. Alors avec l'aide de Belle, hein. Et du coup les bandages qu'elle avait essayé de mettre en place se déchirent, se défont, et tu gâches les efforts de Belle pour les soins qu'elle avait apportés à ces deux-là. Et donc vous arrivez à les repousser par ici, dans cette salle-là qui n'a pas de fonction définie pour l'instant dans votre enclave. Tu vois où je suis là ? Oui. Ah, on peut par là plutôt, peut-être, mais voilà. Ok, Momo, je crois que c'est à toi. Ouais, donc j'essaie de fracasser les monstres. Juste un petit rappel sur les règles. Quand on lance les dés, on doit également, alors je l'ai un peu zappé la fois dernière et je commence à le zapper ici aussi, on doit aussi déterminer s'il y a des avantages ou des désavantages. Ah. Sachant que si vous finissez sur plus d'avantages que désavantages, vous avez un éventuel plus 1 à mettre sur votre... j'ai. Si on finit sur un désavantage, j'ai un éventuel moins 1 à mettre sur le jet. Là, tu as en face de toi des bestioles puissantes, c'est des sirènes, donc tu as de base un désavantage. Mm-hmm. D'accord. Néanmoins, je considère que tu as un avantage du fait de n'être pas tout seul, en fait. Ouais. Clairement, il y a d'autres personnes autour de toi, que ce soit les gardoches ou des ampoules, ou même d'autres enfants, pas forcément de quelques bandes que ce soit, il y a quelques-uns aussi qui ont des barres de fer, des choses, et qui ont trouvé le courage d'essayer de combattre. Ou qui ont vu le danger de simplement fuir et de laisser ces deux bestioles dans la liberté. Donc tu as un avantage grâce à ça, et j'ai même envie de dire un double avantage. Parce qu'il y a quand même du coup deux gardoches, probablement encore un ou deux autres qui sont arrivés depuis que ça commence à être le bordel. Et il y avait quand même trois ampoules aussi, donc il y a quand même pas mal de monde sur ces deux sirènes. Donc tu vas lancer tes 2 dés, tu mets la bille que tu veux. Je vais mettre 1. Et tu auras un éventuel avantage. Par contre, j'ai oublié, je lui ai demandé, et j'ai oublié de demander à Pitoun de décrire son action du coup. Décris-moi un petit peu comment t'as fait pour te sortir les tripes et pousser ces deux garçons. Ils sont déjà au moins deux fois plus lourds que moi. Mais je les attrape, j'en attrape un par le bras et puis je le tire au maximum. T'arrives à le faire glisser, quoi. J'arrive à le faire glisser, mais bon, effectivement, c'est pas forcément terrible pour les... Si, au contraire, justement, t'as super bien réussi, donc tu trouves une énergie... C'est pas forcément terrible pour les soins qu'avait fait Belle, mais... Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Voilà, mais effectivement, j'ai même envie de dire, je pense que j'aurai des courbatures pendant plusieurs jours. C'est possible. Pendant ce temps-là, notre cher Gros Momo fait un double 1 avec son petit 1 de build. En plus, ça nous donne un 3. Tu peux éventuellement utiliser ton avantage pour rajouter un 1, ce qui nous fera 4, ce qui est bien loin du 8. Du 8 réclamé pour faire une réussite. Ce qui est bien, mais pas top. Ce qui est bien, mais pas top. Pas top du tout. Bah non, je ça sert à rien. L'avantage, je peux pas le réutiliser plus tard. Ah bah, là, on verra la prochaine fois que tu fais un dé, hein, que tu fais un jet de dé. Hein. Ouais, bah, ouais, je fais 3. Alors, juste une question, enfin deux questions. Le fait qu'il ait fait un 3, ça lui rapporte pas un point d'XP ? Non. Ah non, c'est pas. C'est un revers cuisant. Non, tu confonds avec Monster of the Week. L'expérience, c'est à chaque fois que vous subissez un revers cuisant ou quand vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose sur vous-même ou les autres ou sur le monde. Alors, ceci dit, je pense que le revers cuisant, tu l'as quand même éventuellement. Hein. Ok. Donc, la bestiole commence à rebondir. Hein. T'allais sur elle, t'allais lui donner un coup et en fait, elle fait un bond que tu n'avais pas envisagé, que tu n'avais pas prévu. Elle rebondit sur le côté, s'appuie sur un mur et rebondit vers toi. Tu prends 2 blessures. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal. Il te reste donc 2 PV, quoi. Ok. Vous êtes des enfants, hein, c'est pas... Et puis c'est des sirènes, en face, c'est les gros méchants, entre guillemets. Ah, c'est les gros méchants, ouais. Ok. Effectivement, on peut le dire. Il y en a 3, c'est ça que t'avais dit ? Il y en a 2. Il y en a 2. Ah, il y en a seulement 2. Ok. 2 qui sont rentrés à l'intérieur, en tout cas. Donc tu te retrouves par terre, hein, clairement. Si tu veux te relever tout de suite, tu dois tester. Veux-tu te relever tout de suite ? Avec l'adrénaline... Enfin, ça fait quoi déjà de tester ? Tu peux rappeler rapidement. Tester, tu vas lancer 2d6 et tu verras ce qui se passe. Je vais faire un double 2. Vas-y, gros Momo, vas-y. Tu es mort, vas-y, avec l'adrénaline, je me relève. Gros Momo. Est-ce que tu mets de la bile là-dedans ou pas ? Non. 11, tu te relèves tellement fort qu'en fait tu traverses la salle. Ah pardon, t'as lancé les câbles. En fait, tu perds tes blessures. donc très bien, tu te remets debout, mais tu aggraves tes blessures. Tu coches une case de plus. Oh putain. À la fin de la scène seulement. Donc pour l'instant, tu le sens pas, mais tu vas aggraver tes blessures. S'il survit à la scène. Voilà. Bien sûr qu'il va. Bah, tu peux presque préparer ta prochaine fiche de perso en fait. T'as besoin d'une semaine de repos. Donc Martel, tu as vu, tu as réussi à protéger Pitoun, tu le vois aider Belle à s'écarter de la scène avec les deux blessés. Tu vois Gros Momo qui se s'étale pitoyablement sur le sol mais qui est en train de se relever. Jasmine qui semble avoir fui vers la salle du trône. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'essaye d'attraper Gros Momo et de le repousser vers la salle du trône. C'est-à-dire qu'il s'est relevé, mais j'essaye de le rediriger et de le pousser loin du combat, en fait, d'aller au contre ses instincts de castagne. Je vais vous laisser régler ça entre vous. Non, bah, je veux... Non, laisse-moi tranquille, faut que je me batte. Tu pisses le sang, Gros Momo, recule. Non, j'ai pas envie de les abandonner. Alors, tu choisis ce que tu veux faire. Hein. Jasmine, donc toi, tu es arrivé effectivement à la salle du trône. Oui. Il y a à la fois des fuyards et à la fois des gens qui sont là en train de se demander ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a le barbu, il y a un conseil qui est là, il y a du monde. Tu vois le chef des gardoches. Le barbu, c'est le chef. Alors, c'est le chef suprême. Ouais, il est là. Freddy, le chef des gardoches. Ouais. Toi, t'as quelques huiles qui sont là, quoi. Bah, je fonce vers le barbu tout de suite. Ouais. Barbu, c'est là, ils sont là, ils sont aux portes, faut tout fermer, faut se cacher. Vite, vite. Qui est aux portes ? Comment ça, faut se cacher ? Il y a des monstres dehors. Et tu veux te cacher ? Mais tout le monde, il faut nous protéger, barbu, vite. Et je me mets à ses pieds. Freddy, vas-y. Il est sur un trône ou quelque chose ? Alors, Oui, bah, il est sur son crâne de Triceratops, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Du coup, il te repousse sans ménagement, il dit... Alors va te cacher si c'est tout ce que tu sais faire pour nous aider. Freddy, avec moi. Et tu le vois, il dégaine... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Un flingue, non ? Il dégaine un grand coutelas. Oh, effectivement, il a un pistolet qu'il a à sa ceinture. Et il s'avance, accompagné de ses lieutenants, vers l'entrée. Ok, je baragouine pour moi qu'il aurait dû se bouger le cul avant, mais bon. Mais c'est trop tard, il est déjà parti, il ne t'entend pas. Oui, non, attends, je dis pas à haute voix, je le dis pour moi-même. Quoi. Alors, si le fait qu'il t'ait repoussé et un petit peu insulté te fait prendre de la bile, hein, c'est toi qui vois, y'a pas de souci. Ben, complètement, je me fais humilier en public, c'est écrit sur ma feuille de personnage. Donc, je prends au moins 2. Pitoun, donc tu es essoufflé, tu es néanmoins content, tu as réussi à repousser les deux blessés, enfin, au moins un des deux, et Belle a pris l'autre, tu vois, enfin bref, à vous deux, en tout cas, vous avez réussi à, a l'air poussé vers une salle plus en sécurité, on va dire. Pour l'instant, en tout cas, les secondes qui viennent. Que fais-tu maintenant ? Il y a une porte à cette salle ? Bah, comme tu peux le voir, oui, il y a une porte ici à l'arrière, une porte qui donne vers les toilettes. Oui, non, enfin, une porte. Est-ce qu'il y a une porte qu'on peut fermer, en fait ? C'est la question. Ah, pardon. Oui, oui, bien sûr, il y a des portes partout. Hein. Je me dirige vers la porte et je la ferme et puis je reste appuyé derrière, en fait, pour éviter que les bestioles rentrent. Enfin, que les 3 kilos supplémentaires. Tout à fait, attention, mais là je me sens hyper fort là. Ok, gros Momo, qu'est-ce que tu fais ? Tu as cette bestiole qui vient de t'humilier alors que tu avais rameuté des gens pour la battre. Elle te tourne le dos, tu vois les gardoches qui sont en train de taper sur une, qui semble, qui commence à casser en fait, hein, commence à être mal en point. Une autre paraît un peu plus en forme. Que fais-tu ? Je vois que les deux sont occupés, je me défais de martel et je me dis qu'il faut fermer quand même les portes qui sont à l'extérieur, parce que sinon on va en avoir plusieurs. Ok, donc tu laisses le combat à ceux qui savent vraiment se battre et tu vas à l'entrée, c'est ça ? C'est ça, faut que je me sacrifie pour au moins fermer les portes pour pas qu'on ait des débordements. Très bien, donc tu vas jusqu'aux portes et puis écoute, tu arrives à la... Alors tu prends la porte et tu la refermes, tu vois qu'elle ne s'enclenche plus, enfin elle est vraiment abîmée, elle n'est pas... Voilà, elle est pas par terre non plus, mais elle méritera certainement quelques réparations. Ouais, ok, bah j'ai fait ce que j'allais faire et là je vais me reposer. J'essaye de retourner à la salle du trône. D'accord, tu veux retraverser le combat en sens inverse, avec des bestioles qui sautent dans tous les sens et qui rebondissent dans tous les sens pour tranquillement aller vers la salle du trône donc. Exactement, faut que je me faufile parce que je sais que je suis plus apte au combat. Très bien. Martel ? Est-ce qu'il reste des enfants non combattants dans la zone? Pourquoi pas, oui, maintenant que tu me le dis, peut-être, oui. Non, moi je te pose la question. Si tu me dis que tout le monde est en sécurité, ça me va. Hein. Non, il n'y en a pas. Faut pas me poser des questions comme ça, du coup, oui, il y en a. Bon, bah très bien. Et bah écoute, je les attrape par le callback en les traînant vers la salle du trône. Et dans la salle du trône, je cherche. Attends. Tu essaies de fuir vers la salle du trône en traversant une zone où il y a deux monstres qui rebondissent dans tous les sens. C'est ça. Donc tu vas me faire un jet de fuir. Bien. Suivi probablement juste après par Momo. Catastrophique. C'est un 4. Là, tu as abonné au 11. Hein. Tu veux pas m'enfiler un peu, Momo ? Par contre, Momo fait un 11. Très bien, mais c'est très bien tout ça, c'est magnifique. Donc, gros Momo, tu te barres, tu en fais tomber ta batte qui tombe au sol. Toi, ma chère Martel, eh ben, tu commences à atteindre la porte pour sortir et tu te fais percuter par une des bestioles. Tu prends 2 blessures. Ah là là. Ah, ça fait mal. Pour sortir ? Oui, t'es là dans le couloir, à sortir du hall, si tu veux. Ah oui, d'accord. Oui. À sortir de l'enclave. Oui, non, mais je me casse, c'est bon, merci, salut. Eh bien, aïe. Donc là, tu croises, tu es au sol et tu vois effectivement le barbu qui déboule avec d'autres personnes armées et qui finissent par détruire les dernières bestioles. Enfin, les bestioles. Facilement ? Non, pas facilement. Clairement, il y a tout un tas de blessés. Le barbu a quand même tiré une de ses balles, une de ses précieuses balles. Vous savez qu'il n'en a pas beaucoup. Donc je lui enlève une balle et voilà. Ok. Il n'y a pas que les dents qui soient de lait. Hier j'ai bombé mes pouces, j'attends que ça repousse. Mon pied gauche arrête rétréci, d'un pied je vis du 17, de l'autre du 38. Je bégaye quand je mange des coquillettes, l'estomac dans les talons, les lobes dans les chaussettes. Les jours perdus, je me change en pardon. J'ai la chair de coq, une araignée dans le plat. Donc les blessés sont réunis. Bah, ils sont probablement mis dans cette salle-là d'ailleurs, qui va devenir une sorte d'infirmerie, j'ai l'impression, si ça vous va. Ça semble utile en effet. Oui, pas loin du stock, juste à côté de l'entrée, c'est très bien. Ouais, comme ça les prochains. Les prochaines blessées qui rentreront seront tiens, ils pourront directement massacrer tous les blessés d'infirmerie. Tension retombe un petit peu. Du coup, les blessés se font soigner. Donc, gros Momo, Martel, vous êtes on s'occupe de vous également. Dites-moi un petit peu tout ce que vous faites. Du coup, gros Momo, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu prends tout ça ? Bah, tu as soigné. Tu grognes, qu'est-ce qui se passe ? Je grogne un peu parce que j'avais vu que la porte était mal fermée et c'est une erreur grave, surtout quand on a des gardoches dans l'enceinte. Donc je vais voir les chefs des ampoules et des gardoches pour... Alors tu vas rien voir du tout, hein. t'es à l'infirmerie et tu vas y rester un petit moment là du coup. Hein. Ouais, bah en tout cas si je sais qu'il y a... Enfin, si jamais je croise Pétard ou un chef qui passe par l'infirmerie pour faire un bilan, bah, je fais part de cet incident. Bah déjà, ceux qui passent déjà, c'est que t'as un des mecs des ampoules hein, qui passe, que t'as un de ceux que t'as convaincu qui a fait ah, « gros Momo, c'est cool, hein. Heureusement que tu nous as convaincu d'aller nous battre, hein, parce que c'est sûr que si on comptait sur toi, bah voilà, enfin, c'était compliqué, quoi. Hein. Tiens, je t'ai ramené ta batte que t'as laissé tomber. » Ah, oh, merci. T'as une grande gueule, mais un grand cœur. T'as laissé tomber dans ta fuite. écoute, la prochaine fois qu'on aura besoin d'un mec pour fermer les portes, on pensera à toi. Hein. Allez, remets-toi bien, gros Momo. Ouais, c'est sûr que les gardoches, ils font pas leur boulot, donc faut le faire à leur place. Allez, salut, repose-toi bien pendant qu'on bosse. Ouais, bosser mieux. Si tu veux prendre un peu de bilan, hein, y'a pas de soucis aussi. Beaucoup là. Je deviens un cible de moquerie, donc je prends des billes. Alors tu sens effectivement autour de toi pas mal de gens qui écoutent et qui te regardent et qui ont l'air un peu surpris, soit qui se moquent un peu. Moi je regarde ceux qui se moquent et j'essaie de les intimider pour fermer leur gueule. Ouais, t'es difficilement en état d'intimider quelqu'un, je pense. Ah, je suis une brute quand même, hein. Qui pisse le sang. J'ai ce savoir intimider. Une brute au sol qui est écrasée. Tu veux vraiment faire un jet d'intimider ? Allez, vas-y. S'il y a un mec qui me regarde et qui se moque ouvertement. Donc, Alors, bah, vas-y, qui intimides-tu ? Bah, le premier que je croise et qui me regarde. Je regarde quelqu'un qui est plutôt meneur et qui rigole, tu vois. Genre, s'il y a un groupe et que je sais qu'il y a un meneur là-dedans, je le regarde. Bah, ce sera Vivien, un des barbiers. Est-ce que tu mets un peu de bile ? Je mets toute ma bile. Alors tu as un désavantage, hein, évidemment, puisque tu es une petite brute écrasée au sol. Oh yes ! Tu fais 5 plus 2 plus 2, 9. Ah, une tristesse, même si je fais moins 1, c'est toujours une réussite. Yes ! Alors c'est un move de brute, hein, c'est ça ? Ouais, intimidé. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Tu veux la contraindre à faire quelque chose ? Est-ce que tu la contrains à faire quoi ? Juste à fermer sa gueule ou à faire quoi ? Ferme-la, que quand je serai sur pied, il y a bien une chose que je vais écraser, et c'est toi. Bon, tu vois qu'effectivement, son sourire se fige. Tu vois une ombre de colère qui passe dans ses yeux et il s'interrompt. Il s'en va faire autre chose. Voilà. Martel, tu assistes à cette scène. Que fais-tu de ton côté ? Est-ce que t'es, comment te sens-tu ? Bah écoute, moi je vais aller voir comment ça se passe dans le... Alors, tu es à l'infirmerie, tu n'en sortiras pas. Donc, ah très bien. Tu es blessé, me semble-t-il, hein, tu as deux blessures. Oui, j'ai besoin d'un jour et d'une nuit. Mm-hmm. Mais sinon ça va. Et Belette est venue te voir du coup, et qui t'amène, qui a amené de ce que vous avez demandé, hein, c'est-à-dire ce que tu lui as demandé, c'est-à-dire de l'eau chauffée, je crois, c'est ça ? La soupe, je crois. Ouais, de la soupe pour Gabin. Ok, bon, du coup, là, elle ramène un peu pour tout le monde. Ouais. Ah, donc, qu'est-ce que tu. Voilà, je sais pas, tu fais quelque chose de particulier dans cette infirmerie de la Croix Tordue ? Du coup, je dis à Belette, on a dans les caves à champignons, va voir dans les caves à champignons, tu vas voir, les champignons en ce moment, ils sont beaucoup plus spongieux que d'habitude. Quand tu auras un peu le temps, j'aimerais que tu regardes, que tu essayes de faire des expériences, que tu nous trouves une recette pour que ça soit mangeable. Ah bah, j'ai déjà trouvé un gros champignon, Martel, un nouveau champignon dans la cuisine, tu sais, dans un placard, il n'y avait plus rien dedans parce qu'on n'a plus beaucoup de stock, et du coup, j'ai quand même jeté un œil et on a un nouveau champignon dedans. Un gros champignon, hein. Je peux l'utiliser pour faire quelque chose ? Non, tu fais rien sans le montrer à Choco. T'es sûr ? Vraiment, c'est un gros champignon. Je suis sûr que je peux faire des trucs super sympas avec. Il est vraiment énorme. Là, tu montres à... Ouais, mais juste montre à Choco avant. Merci. T'es en train d'essayer de la convaincre ? Tout à fait. Ben, je t'en prie. Putain, ça va. On a fait tous crever. Tu la vois un peu déçue, mais elle dit bon, ok, d'accord, je verrai avec Choco alors. Ok, on prendra le champignon tous les deux. Ok. Et elle s'en va en courant. Pitoun, de ton côté, que fais-tu ? Bah, déjà, je me repose parce que je pense que j'ai utilisé toute mon énergie de la semaine là, je pense. Tu sais où il y a des Coco Pops ? Peut-être que ça peut te redonner un peu de. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais non, je ne mange pas de Coco Pops. Non, je comptais quand même appeler cette campagne la campagne des Coco Pops. Donc je trouve qu'on avait bien démarré sur la première session. Ok, donc tu te reposes, voilà, tu prends un peu de temps pour te reposer. Ça roule. Et Jasmine, quant à toi, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Oui, maintenant que la situation s'est calmée, j'essaie de regarder où sont les membres de ma cour. À l'infirmerie, comme tu peux t'en douter. Oui, et les autres ? Est-ce que je les vois ? Ah, les autres, tu arrives à les retrouver, quoi, hein, éparpillés. Et surtout, je cherche Edouard, et j'ai envie d'aller lui parler. Ouais, alors tu le trouves, effectivement, il finit par rentrer de son car, entre guillemets. Ouais. Et Edouard, tout va bien, alors ? Tu n'es pas blessé ? Non, moi, ça va, il tapote sa veste en cuir, je sais pas si ça m'a protégé, mais, enfin, bref, en tout cas, non, je suis pas blessé. On a beaucoup de blessés, tu crois ? Ils vont revenir, ces monstres ? Je ne sais pas, En tout cas, pas ceux-là. Il faudrait voir avec Gabin s'il y en avait plus. Je ne sais pas. Ok. Je lui fais les yeux doux et je lui dis Edouard, tu sais, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Est-ce que tu serais d'accord pour m'apprendre à me battre? Ah, bah, de toute façon, on avait notre rendez-vous, non? T'es dispo? Ah, bah, bien sûr, je suis tout à fait dispo. Là, j'essaie de garder une contenance, de me recoiffer. Oui, oui, je suis tout à fait disponible, tout de suite. Ok, ah bah écoute, allons-y, j'ai besoin un peu de me changer les idées. Eh bien, je suis là, je suis disponible. Faisons lumière, ce n'est pas de tout repos. Je suis sans armure, elle est sans château. Souvent dans la rue, on nous montre du doigt. Les gens sont bourrus, mais les gens sont comme ça. Ok, bah donc vous partez. Alors où est-ce que vous pouvez bien aller? Oui, je suis en train de regarder. La salle en haut à droite là? Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est une salle qui est. Une salle du musée, ouais. En tout cas, on n'a pas mis d'utilisation pour l'instant. Ah bah là, c'est la salle pour flirter. Donc on va là-bas, ouais, puis on s'assoit côte à côte et je lui fais des compliments sur son courage, qu'il faut vraiment être très très fort pour s'occuper de ces monstres. Je sais pas comment il fait lui. Et je lui dis, moi j'aimerais bien savoir me battre comme ça pour me sentir utile, parce que je repense beaucoup à ce que m'a dit le barbu, tu vois. Du coup, tu essayes de le convaincre, ou tu essayes de le séduire, ou comment tu vois ça? J'essaie de le séduire. Eh ben écoute, je t'en prie. Pour le coup, il est assez choqué, donc j'ai envie de te donner un avantage là-dessus. D'accord. Parce qu'il est un peu, voilà, vulnérable, on va dire, donc tu peux facilement... Il n'est pas insensible à tes charmes, donc j'ai envie de te donner un avantage sur ce jet. Ok, j'utilise un de bile en plus. Un de bile, d'accord. Oh merde, je fais 13. C'est un 12. C'est un 13, ouais. Donc ça fait 13. La cible t'obéit, donc Edouard accepte de t'entraîner. Mais je choisis une option. Soit tu lui fais croire qu'il y a quelque chose entre vous. Mais j'ai l'impression que tu aurais bien envie qu'il y ait quelque chose entre vous. J'ai l'impression que ce serait plus un bonus qu'un malus. Oui. Tu la pousses à aller trop loin. Ça pourrait être très drôle. Il te fait un entraînement de Ninja Warrior, ça peut être assez drôle. D'autres enfants voient cela d'un mauvais œil. Ou la cible s'attire de grands ennuis, ou la cible m'en veut désormais. Je vois pas de raison que puisse t'en vouloir. Bah, soit il s'attire des ennuis, ou soit, ouais. Je vais te laisser le choix entre deux. Soit tu le pousses à aller trop loin. Le concept d'entraînement de la Légion étrangère à la Ninja Warrior, je trouve ça assez marrant. Le gamin qui voit pas trop que tu n'es qu'une frêle jeune fille, et voilà, je trouve ça assez drôle. Sinon, le classique d'autres enfants voient ça d'un mauvais oeil. Non, bah oui, on va trop loin, quoi. Il sait pas entraîner les gens, donc parfait. Premier rendez-vous galant, réussir. Ok, très bien. Bah, donc, effectivement, il accepte. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, j'imagine que vous remettez ça au lendemain, peut-être. Ou, Non, si, me dit, bah écoute, déjà, faut commencer par se renforcer, donc il me fait faire 50 pompes. D'accord. J'arrive à en faire 2. Alors que lui-même ne sait certainement pas en faire 50. Je lui dis, ah ouais, fou là, je suis carrément soufflé. Je lui dis, ah ouais, c'est pas évident. Ah, il faut de l'entraînement, hein, faut persévérer. D'accord, oui. Bah écoute, si t'es d'accord, peut-être que tous les jours on peut faire ça, et puis peut-être que dans quelques mois je pourrais moi aussi me battre. Ah bah super, en plus bah il y a déjà Cathy qui m'a proposé de s'entraîner, donc on pourra s'entraîner tous les trois, ça va être sympa. Ah, Cathy, ah. Ah, d'accord. Ouais, bah écoute, si tu veux, Edouard, d'accord. Ok, très bien. Donc je suis un peu gêné. Et je prends un de bile. D'accord. Et bah j'ai pas le choix. Alors, pensez aux XP aussi. J'y pense pas forcément. Parce que c'est effectivement un peu moins. Ouais, oui. Un peu moins carré que Monster of the Week. Hein. C'est vraiment quand vous subissez un revers cuisant, quand vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose sur vous-même ou sur les autres ou sur le monde. Donc après, c'est assez large. N'hésitez pas à. Moi, je considère que j'ai appris qu'il fallait que j'apprenne à me battre aussi. Moi, j'ai appris quelque chose sur le monde. Ah, attendez, pas tous à la fois. Vas-y, Jasmine. Oui, moi, j'ai appris quelque chose sur moi-même, que je suis une faiblarde, même si je peux m'en douter, mais il faut que j'apprenne à être plus solide. Très bien, ça me va. Martel. Moi, j'ai appris quelque chose sur le monde. Je savais pas qu'il y avait des sirènes jeu à ressort, donc voilà. Tu te rends compte que les sirènes, effectivement, ça existe, que c'est chelou et que c'est puissant. Et on en avait jamais vu, en fait, tous ceux qui sortent jamais. Alors si, ceux qui sortent en ont probablement déjà vu. La plupart du temps, ils essaient de les éviter, ou alors... Ou alors, s'il y en a une qui est toute seule et qui a des attaques, ils peuvent réussir à s'en débarrasser, mais c'est rarement sans mal, rarement sans blesser, hein, mais ça peut arriver. Par contre, ceux qui n'ont pas tendance à sortir, effectivement... Voilà, par exemple, Jasmine, c'est la première fois qu'elle voit un truc comme ça. Bah, la seule fois où vous avez pu avoir l'occasion d'en voir, c'est quand vous êtes arrivé à Libreté. C'est-à-dire quand vous êtes perdu dans les rues pleines de flotte et que vous êtes arrivé à Libreté, quoi. Il est possible que vous soyez arrivé à Libreté sans en rencontrer, ou que vous ayez été pourchassé effectivement par... ça peut être aussi une présence un peu indistincte, voilà, que vous n'avez jamais vraiment vu, ou vous avez pu voir effectivement quelque chose d'un peu bizarre. D'accord. En tout cas, c'est la première chose que vous voyez quelque chose d'aussi bizarre. D'accord. Je précise que c'est, ce sont des sirènes que j'ai inventées. Hein. Le jeu ne fournit pas de... Si, si, le jeu fournit des sirènes, mais pour ce que je voulais faire, je... D'accord. Je trouvais que c'était c'était plus fun que celles qu'ils ont. Mais j'en utiliserai qui sont dans le bouquin, rassurez-vous. Pitoun, du coup, bah, en fait, il y a un espèce de conseil qui se fait dans la salle du trône pour savoir comment on peut réagir à tout ça. Il y a Suzette, la chef des mains sales, qui arrive rapidement. Alors, Suzette, c'est une petite gamine de presque 13 ans qui se bat toujours avec une espèce de sacoche pleine d'outils, qui a un crayon sur l'oreille, une petite maline, qui est pas très grande, mais qui gère assez efficacement sa bande. Elle est très organisée. Et donc, effectivement, elle met rapidement sur place déjà des protections pour un peu fermer la porte. Et puis, elle commence à s'organiser pour la réparer de manière un peu plus pérenne pour que ce soit durable. Il y a Barbu également qui exige que les gardes soient un petit peu plus conséquentes le temps que ça se calme. Et du coup, toi-même, tu es envoyé à la porte pour prévenir un peu du remaniement des gardoches. Et au moment où tu arrives près de la porte d'entrée, tu revois à nouveau, au-delà de cette porte, hein, le crépuscule commence à se ramener. Et tu vois une forme humanoïde qui avance dans la pluie, au loin, et qui se rapproche de l'entrée. Je vérifie que la porte est bien fermée. Alors oui, c'est le cas. Il y a des cales qui ont été mises, et même des poids, tu vois, pour la tenir, et pour être sûr que, même si la clanche se coince pas, que voilà, que ça puisse pas s'ouvrir comme ça. Mais je continue à regarder la forme qui s'approche. J'espère que ça pourrait être un autre survivant, en fait. Alors autour de toi, tu vois les gardoches qui sont en train de discuter du remaniement, en fait, et qui ont même pas fait attention. Oui, donc je les appelle pour leur dire, mais il y a quelque chose qui arrive. Ils sont vraiment pas ouf, ces gardoches. Hein. Je suis bien d'accord. Attention, tu es petite quand même. Ils regardent dehors et du coup ils commencent à sortir leurs armes et font « Il y en a un qui arrive !» Ils se mettent à gueuler comme ça, donc ça... Alors qu'il y en a plein qui se mettent à... Bah pareil, hein, un mouvement un peu de panique, à se barrer des couloirs, d'autres qui commencent à arriver en renfort. Et en fait, vous avez la forme reste humanoïde en s'approchant. Et c'est là que vous voyez Marco qui faisait partie de l'expédition et qui revient. Et qui vous regarde à travers la vitre de la porte. C'est Marco, il faut lui ouvrir. Ils sont un peu... Ils mettent quelques secondes en fait à comprendre que c'est lui et que c'est bien lui et il ouvre la porte. Et donc vous voyez Marco trempé jusqu'aux os qui rentre comme ça et qui vous regarde d'un air assez éteint. Dans un premier temps déjà, j'imagine que la procédure c'est on l'aide à séparer de ses vêtements trempés pour aller les faire sécher. En fait tu vois personne qui bouge, ils sont tous autour et ils le regardent d'un air assez étrange. C'est un moment qui flotte pendant une bonne dizaine ou quinzaine de secondes. Alors toi t'es là en mode, tu vois presque à essayer de l'aider à se déshabiller, lui-même fait pas de geste pour le déshabiller en fait. Marco c'est bien toi, c'est Cathy qui la gardoche qui l'interroge. Il la regarde, il tourne la tête lentement vers elle, il la regarde, il fronce un peu les sourcils. Ouais, c'est moi. Et ça va ? Ouais, ça va. Et du coup, effectivement, il regarde vers la salle du stock et il avance pour commencer à enlever ses vêtements. Alors, ils sont tous là comme des ronds de flanc à le regarder faire sans trop savoir quoi faire. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, moi, je continue à essayer de lui enlever ses vêtements trempés parce que, enfin, d'après ce qu'on nous explique depuis que je suis là, c'est que lui, la flotte attire les sirènes. Donc, j'ai pas envie que ça qu'elle revienne comme cet après-midi. Mm-hmm. Donc, avec ton aide, il se déshabille. Alors, tu vois. Il y a deux gardoches qui restent à la porte et qui le regardent. Ils n'ont pas engagé leurs armes, ils ont leurs armes en main. Et il y en a un qui se barre vers la salle du trône. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui serait dans la salle du trône par hasard ? Martel ? Moi je suis en train de réfléchir sur comment je pourrais faire genre que je vais mieux pour me lever le plus vite possible et retourner au boulot. Donc je suis un peu absorbé dans mes... par mes souffrances quoi. Ouais mais après t'es pas forcément très très mauvais état non plus mais clairement tu souffres. Ouais. Après ça t'empêche pas forcément d'agir, tu as une blessure donc t'as une blessure qui te donne un désavantage. J'en ai deux hein. Oui mais disons t'as un désavantage, la première blessure est voilà c'est des mauvais coups mais ça te donne pas de désavantage, la deuxième blessure te donne un désavantage, la troisième t'en donne un deuxième. D'accord ok, bah écoute ouais je vais me redresser et je vais... La quatrième vous donne une infinité de désavantages. Oui on imagine. Bah écoute, non, je vais me redresser un peu sur mon lit. Enfin, je sais pas si on avait des lits ou des couvertures au sol, enfin, peu importe. Et ouais, vos lits ont été ramenés ici, ou tu vois, parce qu'effectivement, on peut pas dire que vous crouliez sous les matelas, clairement. Donc, mais bon, il y a de quoi être au moins autant au confort que quand tu es dans ton lit. Ok, bah non, mais écoute, je me relève et j'essaie de quitter l'infirmerie. Ok, il y a Belle qui te voit et qui te dit, bah tu reviens me voir demain matin quand même. Ouais, ça marche. Moi, je regarde Martel partir et je dis, pourquoi moi je peux pas partir ? Rien que le fait de dire ça, en fait, tes paroles s'étranglent la moitié dans ta gorge, tu vois, tu souffres tout simplement, donc. Tu tiens une côte, tu vois, et elle te regarde et te dit pour ça. Elle s'approche de toi et elle te touche le visage de sa main une seconde. Allons, ici, t'as pas besoin de prouver que t'es un dur, gros Momo. Laisse-toi un peu de temps, tu vois. Puis elle te sourit et elle va s'occuper de quelqu'un d'autre. Je me sens pas du tout humilié, du coup, j'accepte d'en parler. Oh, je vais la faire. Elle cherchait pas à t'humilier après. Elle est très gentille. Je l'apprécie, tu vois. C'est la première fois qu'on me dénigre pas. Et elle est belle, en plus. Elle a une beauté simple, tu vois. Elle a une beauté assez simple. Pas du tout une beauté éclatante, mais elle est mignonne. Pas comme Jasmine, quoi, qui est une beauté éclatante. Exactement, pas comme Jasmine. Jasmine, du coup, tu es où, toi ? Ben moi, j'ai des préoccupations totalement autres. J'essaie de trouver Sandy, ma complice, mon faire-valoir. Est-ce qu'elle serait dans le dortoir, par exemple ? Oui, très certainement, oui. Elle attend certainement ton retour. Elle te regarde avec des grands yeux. Elle vient t'accueillir. Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, écoute, il est formidable. Il est vraiment charmant. En plus, il va m'apprendre à me battre. Donc moi aussi, je vais pouvoir l'impressionner, tu vois. Mais je voulais te demander, toi, tu connais bien cette Cathy ? Cathy, c'est une gardoche, ouais. C'est lequel son lit ? Tu sais, c'est lequel son lit ? Là, non, je sais plus, mais je peux demander. Ouais, et parce que je l'aime pas, toi tu l'aimes pas, hein, Sandy, on est d'accord, on l'aime pas. Ah bah, on l'aime pas. Alors elle prend son petit écritoire, tu sais, puis elle note Cathy, on l'aime pas. Voilà, je crois qu'elle avait déjà noté en plus. C'est possible, ça me dit quelque chose. Tu entoures bien le fait qu'on l'aime pas dans ton carnet. On va essayer de s'en débarrasser, si t'es d'accord. Enfin, s'en débarrasser. Ouais, elle offre de grands yeux en regardant. Non, je veux dire qu'elle tourne un peu trop autour de Edouard, tu vois. Et voilà, moi je veux pas de concurrence, tu me connais. Ah ouais. Ah, par contre, je sais pas si tu sais, mais Sionia, elle a été blessée tout à l'heure dans la cohue. Non. Sonia a été blessée ? Non. Elle est dans l'infirmerie, je crois. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Et son frère va bien ? Oui, bah d'ailleurs, il doit être... Bah, il est pas là. Il est, je crois qu'il est avec elle. Ok, bah tu peux leur dire que dès qu'elle est rétablie, faut venir me voir, hein, que j'ai des choses à faire, là. Ah, tu veux pas qu'on aille les voir ? Ah, ouais, bon... Ouais. Bon, d'accord, allez, on va les voir. Ok, donc vous vous déplacez jusqu'à là-bas. Oui. Peut-être traversez-vous la salle du trône d'ailleurs, parce que c'est plus rapide en fait par rapport à là où vous êtes. Ok. Martel, est-ce que tu t'y trouverais pas toi aussi par hasard ? Tout à fait. Et donc à ce moment-là, vous voyez Barbu qui a un petit peu convoqué tout le monde. Ah. Oui, moi je baisse la tête. Martel, tu tombes bien justement, c'est bien que tu sois là. Je voulais qu'on parle un peu des ressources. Donc il y a un petit peu tous les lieutenants, pas mal de monde, hein, pas mal de gosses aussi autour, hein, évidemment. Il y a juste Belle qui brille par son absence, mais il y a du coup Nathan, un autre gamin qui est là. Il y a également Tom qui est absent puisqu'il est à l'infirmerie, il a été blessé pendant le combat. Donc ouais, apparemment on a des gros problèmes de ressources. Martel, c'est ça, on est en manque, hein. Confirme. Les cultures actuelles de champignons sont moins prometteuses que d'habitude, donc on peut pas compter trop là-dessus non plus. Tu sens Belette qui tire la manche et qui te regarde. Il y a un champignon. Il y a un gros champignon. On va aller regarder tout à l'heure, Belette. Ouais. Donc effectivement, on a beaucoup trop distribué de nourriture dernièrement. Il va falloir vraiment à la fois se serrer la ceinture et à la fois multiplier les sorties pour essayer de trouver à bouffer. Les champignons de la cave, c'est bien, mais ça suffira pas. Donc bon, ça grommelle un peu dans tous les sens. Il y a Pétard qui fait « Ouais, bon, on sortira, on fera des sorties. » Et là, vous voyez, il y a Gabin qui rentre dans la pièce, qui est un peu sonné, un peu blessé, mais qui tient debout. Gabin, vas-y, raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Bah, on avait trouvé un supermarché et... On voyait par les vitres qu'il y avait des choses dedans et il était assez mal en point. Il y a une espèce d'échafaudage en fait qui était devant et qui s'est écroulé au moment où on arrivait. Et c'est ces espèces de bestioles en fait qui ont foncé dedans et qui ont fait tout s'écrouler. Du coup, il n'y avait plus moyen de rentrer. J'ai vu une espèce de passage, mais qui était minuscule, impossible de passer dedans. Et du coup, on a dû aller. Les sirènes nous ont suivis, elles ont rattrapé Marco et Jean et leur ont foncé dessus. On s'est barré avec Johnny, Johnny s'est fait blesser aussi, mais j'ai réussi à le récupérer et on est revenu jusqu'à Libreté. Ils sont dans la salle du trône là. Ouais, ils sont dans la salle du trône. Du coup, il y a le barbu qui dit, du coup, ça paraît très intéressant ce supermarché. Ouais, enfin, si c'est resté tel quel, ouais, il y avait des choses dedans, c'est sûr. Ok, Martel, toi qui distribues nos ressources à tout va, tu vas monter une expédition. Tu vas nous trouver, tu vas trouver des gens qui vont t'accompagner et vous allez essayer d'aller jusqu'à ce supermarché. Quelqu'un qui pourrait rentrer par ce passage et ouvrir les portes. Quelqu'un, je sais pas, à toi de voir. Tu te débrouilles, tu trouves des gens, je te laisse 2 jours. Ça marche. Jasmine, toi tu passes à ce moment-là, le barbu te repère aussi. Non, je baisse la tête, je... Jasmine, t'auras peut-être envie d'accompagner Martel pour... Oui, pardon, de quoi, barbu, oui. T'auras peut-être envie d'accompagner Martel pour savoir comment ça se passe un peu dehors, pour que tu saches, tu vois, aider un peu les gens. Puisque avec ta réaction tout à l'heure a montré que tu voulais aider l'enclave, donc c'est l'occasion. Ah, d'accord, je suis pas... Tu verras ça avec Martel, donc tout le monde ricane. Je réplique, je dis, mais j'ai pas envie de mourir, barbu. Je vais mourir si je vais dehors. Tu sais que t'as pas envie de mourir, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille récupérer à manger. Non mais là, tu m'envoies au casse-pipe là. Non, je te dis juste d'aller voir avec Martel, si t'as envie d'aider. Je t'oblige à rien, si tu veux rester, tu restes. Ok, je verrai avec Martel, je me sens un peu humilié encore. Personne est à 5 de Bill par hasard, non? Non. Tu es à 4. Personne ose monter à 5 en fait. Non, c'est clair. Bien, il se passe quoi à 5? On explose? Il y a éventuellement l'opportunité de craquer. Ça veut dire relâcher la pression, dépenser de la bile et ça peut péter un peu les plombs. Non, mais je suis pas loin de craquer. Fait qu'on m'envoie dehors de force, plus ou moins. Du coup, il y a Marco qui rentre à ce moment-là, accompagné par un gardoche. Tout le monde le regarde, pareil. Marco, c'est toi? Il fait le tour de la salle, en fait. Sa tête part de la droite et tourne lentement jusqu'à arriver tout à gauche. Oui, c'est moi. Et on te croyait mort. Ah, punaise, toi t'es un sacré vénard. Gabin le regarde d'un air vraiment interdit, vous voyez froncer les yeux. Et bon, il y en a qui se rapprochent de lui, qui lui donnent des grands coups dans l'épaule, qui pensaient pas le revoir, quoi. Moi, j'avais pas compris qu'il était revenu, vu que j'étais alité. J'ose la voix et je demande si on l'a passé au séchoir, à l'alambic, comme la procédure le veut, quoi. La procédure, c'est pour les nouveaux, Martel. Oui, enfin, ceux qui reviennent trempés alors qu'ils sont censés avoir disparu dans le dehors... Je pense qu'on peut faire une exception. C'est la première fois que ça arrive. On va peut-être être un peu prudent quand même. Tu cherches à convaincre le barbu? Tout à fait. Et bien je t'en prie. Parce qu'apparemment, il a besoin d'être convaincu. Et c'est ça la beauté de ce jeu, c'est qu'il faut vraiment convaincre tout le monde. C'est... ça permet de faire des jets de dés. Enfin, tel que je le conçois moi. 8. Oh, c'est triste. Ok, donc t'as le barbu qui grince un peu des dents, mais qui dit ok... T'as raison, Martel, prenons pas de risques. Allez, Marco, accompagnez-le. Alors, t'en as qui te regardent, t'as quelques ampoules qui te regardent, qui t'en veulent un peu, tu vois. C'est notre pote, il est revenu, et toi, tu veux le foutre à l'alambic, super, quoi. Mais, néanmoins, pas de heurte, Marco est accompagné jusqu'à l'alambic. Donc, la soirée tombe. Comment, voilà, est-ce que vous voulez faire quelque chose jusqu'au lendemain matin de particulier? Allez, me reposer. Bah, moi, je vais voir Sonia, quand même, avec samedi. C'est vrai, pardon. Donc, tu vas aller voir Sonia. Pitoun, tu veux faire quelque chose? Non, moi j'allais me coucher, j'allais pleurer dans mon lit parce que en fait toutes ces émotions me submergent en fait. Papa bricole au garage, maman lit dans chaise longue. Dans ce joli paysage, moi je me balade en tongue. Que de bonheur, tout irait pour le mieux. Que de bonheur, s'il n'y avait ce truc affreux. On m'a volé mon amour. Bon coup de châtiment, malédiction. Rancœur, pénitence, désolation. D'accord. Tu croiseras Suzette, qui te voyant un peu, voit un peu que t'es émotionnellement instable. T'arrêtes juste 2 secondes en mode ça va, Pitoun? Tu sais, demain je vais devoir réparer la porte. Si ça t'intéresse de me voir faire ou de me donner un coup de main, tu peux hein, venir si tu veux. Je voulais essayer un peu de te changer les idées en fait, quoi. Ouais, ce serait une bonne idée, effectivement. Mais pas ce soir, je suis pas très en vue. Ah non, mais c'est demain. Je travaille dessus demain, là. J'ai fini pour l'instant. Et donc voilà, te laisse filer. Ouais. Contente d'avoir pu peut-être te changer un peu les idées. Martel, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je vais voir Suzette, justement. Tu vas voir Suzette, ok. On va voir ça après. Et gros Momo? Ouais, je suis toujours dans mon lit. Bah toi, tu restes cloué à ton lit, c'est triste. Il change de côté. Ouais, voilà. Jasmine, du coup, tu arrives à l'infirmerie. Oui. Bah, gros Momo, tu le vois arriver d'ailleurs. Hein. Salut, gros Momo. Salut, Jasmine. J'espère que tu vas bien. Oula, tu m'as l'air salement blessé. Hein. Ouais, mais là, j'ai un peu retrouvé un peu mes forces. Je pense encore quelques heures et ça sera bon. On a besoin de garçons comme toi, un garçon fort et courageux. Ah, merci, merci. Toujours là, hein, tu sais. Hein. Je sais. Je me sens un peu charmé. Bien sûr, naturel. Et je perds un point de... Non, ça... De quoi, qu'est-ce que tu dis, hein? J'ai dit, je me sens un peu charmé, je perds un point de build parce que je me sens... Non, non, du tout, non. On peut pas perdre. Pas comme ça, non. Ah, dommage. T'es à combien? Là, j'étais à 2, je crois. Ça va. Donc, tu t'approches de Sonia, Jasmine, tu vois qu'effectivement, Jules est à côté d'elle. Oui. Alors, en t'approchant, hein, tu vois que le visage de Sonia se ferme un peu. Celui de Jules te regarde, voilà, il est un peu entre les deux, en fait. Hein, Merde. Il n'a pas l'air de trop t'en vouloir, mais bon, il veut un peu soutenir sa sœur quand même. Mm-hmm. Et tu vois, mais il t'accueille quand même, hein, tu vois, il essaye de... Enfin, tu sens qu'il voudrait arranger un peu le truc. Il fait, Jasmine, bah, c'est bien, t'es venu la voir. Oui, je fais un grand sourire. Ah, mais ma petite Sonia, comment tu vas alors? Tu vas mieux? J'espère que c'est pas trop grave. Je vais pas très bien, Jasmine. Tu m'as poussé. Non, mais non. T'es mal vu. Je t'ai pas poussé. C'est un des monstres. Ouais, mais juste avant que le monstre il m'écrase, c'est toi qui m'as poussé. Ah bon? Non, mais alors vraiment... Vraiment, je suis vraiment désolé. C'est vraiment une maladresse. Tu vois les larmes qui commencent à monter à ses yeux. J'essaye de la séduire pour la convaincre que ce n'est pas de ma faute. D'accord. Eh bien, je t'en prie. J'utilise un de bile. Tu joues la sécurité. Je fais 7. C'est un triste échec. Ah merde, c'est 8. Merde. Tu confonds avec Monster Zoology, désolé. Ah oui, merde. Ah du coup, merde. Ok. Eh oui, tu rates. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe. La princesse. Bah, c'est pas écrit quand je rate. C'est juste, ça marche pas, quoi. Ah oui, non, c'est vrai, non. Quand tu rates, c'est les... J'ai pas réussi, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est les moves de l'adversaire. Ah. Elle se met hurler, donc du coup tout le monde vous regarde dans l'infirmerie. Je sais que c'est toi, tu voulais te sauver, t'en avais rien à foutre que ce soit moi qui soit devant, tu m'as repoussé contre le mur et c'est grâce à cause de toi que la bestiole m'a attaqué. T'es censé être mon ami et tu m'as poussé sur le monstre. Je veux plus te parler, va-t'en. Je suis séché, je ne sais pas quoi répondre. Je regarde Sandy et Jules. Jules te regarde, il tient la main de sa sœur et tu sens dans son regard qu'il aurait préféré que ça s'arrange, mais il te fait un signe de tête genre « va-t'en pour l'instant », quoi, tu vois. Et bah, je me sens hyper nul. Du coup, Sandy était juste derrière toi, elle te regarde, elle sait pas si elle doit rester ou partir. Je dis à l'oreille de Sandy d'écrire dans son carnet qu'il faut que je trouve un cadeau à offrir à Sonia très rapidement. Ok, elle hoche la tête. Je sors en disant « à plus tard, Sonia, remets-toi bien ». Et je fais un clin d'œil à Gros Momo en sortant aussi. Tu sens le regard de tous les enfants sur toi, jusqu'à ce que qui te brûle la nuque, jusqu'à ce que tu sortes de l'infirmerie. C'est un regard... quel genre, les gens me jugent? Ah, mais clairement, oui. D'accord. Et il me juge dans le mauvais sens. Ah, ben, clairement, oui. Donc, je me fais humilier en public. Un petit peu, oui. Donc j'arrive à 5 de bile. J'ai même envie de dire que tu es peut-être même atteint un revers cuisant. Tu as essayé de la séduire et tu t'es complètement foiré, quoi. Ouais. Peut-être un point d'expérience. J'ai un point d'expérience, c'est 5 de bile, du coup. 5 de bile, d'accord. Donc, je craque. Alors, pas forcément tout de suite. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu veux craquer? Je peux te proposer de craquer juste avant de quitter l'infirmerie, effectivement. Bah oui, je veux me mettre à pleurer, quoi. D'accord, allons-y. Eh bien, nous avons testé pour la première fois ce jet de craquer. Ok. Je te propose quelque chose. Alors, je vais te proposer, en fait, tu essaies de partir d'un pas quand même assez digne, et tu sens effectivement le poids de ses regards sur ta nuque, ça te brûle la nuque, et tu finis par craquer, hurler, enfin, et partir en criant, enfin, en pleurant, en sanglots et en courant. En sanglots, ouais. Enfin, on va voir ce qui se passe. Donc, tu vas lancer, tu testes avec une mise automatique de 3 billes. D'accord, 2d6 plus 3, ok. Je fais 10. 10, c'est donc un succès. Alors, le jet de craquer, c'est un jet qu'il faut rater. Ah, merde. C'est moins pire que de réussir excessivement, mais bon, donc c'est 8 à 10. Donc la bile noire commence à t'infecter. Tu perds ta mise, donc tu perds tes 3 billes noires, donc tu passes à 2. D'accord. Et tu choisis une option dans la liste ci-dessous, donc soit tu gagnes une coche de pourriture, ouais. Mais tu gardes le contrôle, donc c'est-à-dire que tu ne t'enfuis pas en pleurant, ouais. En piétinant, en courant, en piétinant peut-être un ou deux blessés et en pleurant à grand Tango. Ouais. Soit tu suis ma suggestion. Et donc, si ça correspond à un enfantillage, tu dois effectuer un nouveau test. Mais c'est pas, c'est, en l'occurrence, c'est pas le cas, ça ne correspond pas à un enfantillage. Mais genre, j'ai plutôt envie de prendre un point de... De pourriture. De pourriture et de rester digne, quand même, avec les larmes aux yeux, tu vois, qui... les yeux humides. Et j'essaye de me redresser, de sortir comme une princesse, quoi. Oh ouais, non, du coup, tu restes digne, effectivement. Si une larme perle à un de tes yeux, personne ne la verra. D'accord. Donc, je coche une case de pourriture. Une case de pourriture, tout à fait. Et si je coche les 5 cases, il se passe que c'est marqué plus un niveau, mais... Si tu coches 5 cases, tu gagnes un niveau de pourriture. D'accord. D'accord. Plus on en a, plus c'est mauvais. J'imagine. Tu sais pas, tu verras quand t'auras. Super. Comment ça s'appelle pourriture, hein, donc. Oui, il y a des chances que. Pour autant, c'est pas forcément entièrement négatif. Ça peut donner des nouveaux moves, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça apporte des choses. C'est pas. Ok, non, ça me semble correspondre à mon personnage, donc je fais ça. Ok, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc ça c'est fait. Pitou, donc tu es parti t'endormir. Je pense qu'avec toutes les émotions et les efforts que tu as fait aujourd'hui, je pense que tu vas t'endormir relativement facilement. Je pense que tu seras rattrapé par la redescente d'adrénaline et tout ça, quoi, toute ta journée. Martel, tu souhaitais parler à Suzette, je crois. Tout à fait. Alors, eh bien, écoute, tu la trouves, je ne sais pas, éventuellement, soit dans les cuisines, enfin, soit dans le réfectoire, pardon, en train de grignoter quelque chose, parce que en travaillant, elle a dû sauter un repas, ou peut-être au dortoir directement. Oui, non, très bien. Bah écoute, elle est effectivement dans le réfectoire, et donc je m'approche et je demande si je peux m'asseoir avec elle. Oui, oui, vas-y, Martel, je t'en prie. Excuse-moi, j'étais voir Choco, j'avais sauté le repas, donc je t'assure que je prends pas plus que ma part. Aucun problème. Écoute, je vais pas te déranger longtemps parce que t'as pas mal de boulot toi en ce moment, mais il y a deux petites choses qui m'amènent. Déjà, premièrement, donc comme ça ne t'a pas échappé, j'ai eu la tâche de constituer une expédition pour aller chercher, pour aller piller ce qu'on pourrait piller dans ce supermarché non loin là. Est-ce que tu as quelqu'un dans tes mains sales qui pourrait justement nous être utile en expédition, quelqu'un de pas trop moins peureux que les autres peut-être, ou alors qui a déjà dit lui qu'il voulait sortir, quelqu'un qui est assez vif d'esprit, qui pourrait nous sortir de situation. Elle se remet un peu en arrière, tu vois, elle s'adosse à son dossier, elle te regarde. Tu l'as mis sacrément en pétard, le barbu. Je sais pas ce que t'es allé lui sortir. On n'a pas l'habitude de sortir, tu sais ça. On n'a pas l'habitude, mais là, je crois que pour survivre, on va falloir bousculer quelques habitudes, Suzette. Eh bien, voyons voir si tu vas réussir à la convaincre. Est-ce que tu mets un petit peu de bile là-dedans? Écoute, j'ai pas de bile en réserve, donc non. Eh bien, vas-y. C'est un 9. Bon, le fait est qu'on est dans la merde, t'as raison. Écoute, je peux pas te... Je peux pas obliger mes gars à sortir, parce que c'est pas leur boulot. Non, c'est pas ce que je te demande. Mais ce que je te propose, c'est qu'on va aller leur parler. On va laisser la nuit passer quand même, parce qu'on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est que demain matin, je dois réparer la porte avec certains de mes gars. Après ça, je fais une petite réunion avec eux et on en parle. Ça te va? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Bah écoute, juste un dernier point, je te laisse tranquille. On a un problème en ce moment avec les caves à champignons. Elles sont blindées d'humidité, plus que d'habitude apparemment, et ça fait des champignons spongieux, bourrés d'eau et très peu nutritifs. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Je sais que vous êtes vachement occupé, mais s'il y a quelqu'un, un de tes gars peut-être, qui pourrait jeter un coup d'œil ou en tout cas commencer à y réfléchir dans un coin de votre tête, soit une nouvelle façon de bricoler notre cave à champignons pour absorber l'humidité, qu'il y en ait moins, ou alors commencer à bâtir une cave ailleurs. Je sais pas trop, mais en tout cas là, il faudrait une solution et je vois personne d'autre. Elle enlève son crayon de son oreille, elle dégaine son petit calepin là, une espèce de petit calepin de notes, tu vois, et elle fait passer les pages comme ça rapidement avec son pouce, et hop, tu la vois noter un truc. Ok, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Écoute, je le sais manger, et puis... Pas de soucis, n'hésite pas si t'as des soucis, viens me voir. Eh bien écoute, je repars, je laisse finir son repas, et je vais aller voir dans mon placard, le fameux placard, le gros champignon. Ok. Donc gros Momo, toi, tu te sens toujours assez mal, tu sens que la fatigue commence à te... peser sur toi, hein. Ça te ferait du bien de dormir. Néanmoins, si tu veux, je sais pas, discuter avec quelqu'un de particulier avant de... Ouais, j'aimerais discuter avec celle qui gère l'infirmerie pour lui demander qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, enfin, qu'est-ce qui s'est passé après l'attaque, parce que nous, on a été isolés. Donc, savoir qu'est-ce qui se passe de manière générale. Alors, du coup, Belle, elle est partie se reposer parce qu'elle a tenu l'infirmerie entre guillemets toute la journée, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Donc, par contre, t'as Anne, en fait, c'est une gamine qui regarde toujours les autres d'un œil assez, assez méfiant et qui, pour le coup, a des lunettes, donc elle fait bien partie des binocles, et qui est là, qui surveille un petit peu. Alors, elle est surtout là pour surveiller, pour appeler à l'aide si ça se passe mal, tu vois, elle a pas forcément c'est pas forcément bien se débrouiller avec les blessés, mais en tout cas, elle est là. Bon, écoute, elle te jette son petit coup d'œil méfiant, un peu comme à l'habitude, comme t'as l'habitude aussi, et s'approche de toi, elle te raconte un petit peu ce qu'a pu se passer, ce qu'elle sait qui a pu se passer dans le reste, enfin dans la fin de journée. Et elle me dit par exemple que Marco est venu à l'histoire du supermarché, etc. ou pas ? Alors le supermarché, c'est très vague. Tu t'entends parler d'une expédition qu'il faudrait monter bientôt. Ouais. Il y a Tom d'ailleurs qui est, je t'ai dit, qui est aussi à l'infirmerie et qui est bien dans les vapes pour le coup. Il s'est bien fait savater aussi. Donc t'entends parler de ça. Marco, oui, tu sais que Marco est rentré. Ça a fait vraiment le tour, ça, pour le coup. Il y en a beaucoup qui sont quand même contents. Quelques-uns qui trouvent ça un peu bizarre, mais il y en a beaucoup qui sont quand même contents. Donc t'entends parler de ça. Le supermarché, voilà. T'entends juste parler d'une expédition qui devrait avoir lieu pour trouver de la bouffe et d'autres choses, quoi. Et est-ce que je sais si ça va avoir lieu lorsque je serai encore à l'infirmerie ou... Non, t'en sais rien. J'ai à Anne de demander à... Enfin, d'aller voir Martel pour qu'elle pense à moi, quoi. Que moi aussi, je vais en faire partie. Et sachant que Anne, je sais qu'elle est très méfiante, j'essaie de lui presser un peu la main, quoi. Enfin, de lui presser un peu l'action. Écoute, Martel, elle t'en parlera demain. Là, c'est l'heure de te reposer. Si tu veux partir dans quelques jours en expédition... Ouais. Repose-toi. T'es blessé, tu dois te reposer, gros moment. Si jamais ils partent et qu'ils partent sans moi, ça sera ta faute, hein. Alors fais attention. Et ils partiront pas demain, c'est dans plusieurs jours. Non, mais je te dis, c'est bon, je te dis. Là, je vais me recoucher, encore un peu en colère. Je gagne un point de bile. D'accord. Martel, donc tu arrives dans ta cuisine, tu as Choco et Belette qui sont là, qui finissent de ranger, tu vois, rapport au repas du soir. Peut-être encore une ou deux autres marmites qui sont là aussi, qui finissent de remballer un peu tout ça. Et bah déjà, je dis merci pour votre boulot, vous tous. Je sais que ça n'a pas été une journée facile, mais ils ont besoin de nous et c'est bien que vous soyez là. Voilà, et après, je m'approche particulièrement de Belette. Je lui dis, alors Belette, c'est quoi cette histoire de gros champignons ? Bah viens voir. Et puis effectivement, elle t'amène dans un recoin de la cuisine où tu sais que ça fait des lustres qu'il n'y a pas eu... De nourriture ou quoi que ce soit, donc en fait c'est des placards qui sont pas utilisés depuis un certain temps, et elle en ouvre un, et donc là tu vois un espèce de champignon assez gros, de la taille d'un tabouret, quoi, la hauteur à peu près d'un tabouret. Ah oui. Ah, je pensais pas à ça quand tu disais un gros champignon. Et tu vois des petites fleurs blanches qui sont dessus aussi, sont sur sa surface. Et il a quelle couleur ce champignon ? Il a quelle taille ? Enfin, la taille c'est bon, mais quelle forme ? Couleur un peu grisâtre, blanche, le pied un peu blanc, le chapeau un peu grisâtre, espèce de gros champi, quoi. Ok, j'appelle Choco. Ouais, Choco arrive. Tu te sens vraiment fatigué par cette journée, hein. La fatigue commence vraiment à te peser. Choco arrive. Ouais, Martel ? T'as vu ce spécimen là ? Oula, c'est quoi ce truc ? Oui, bah écoute, j'en sais rien. Clairement, on va pas s'en occuper ce soir parce que tout le monde en a assez. Ce que je te propose, c'est que qu'on garde bien ce placard à l'œil tant qu'on sait pas ce que c'est. Il faut que personne y touche. Je m'adresse aussi à Belette, hein. Je fixe Belette des yeux en disant personne doit y toucher. Parce que ça pourrait être nocif. Dès demain, il faut qu'on tire ça au clair. On va feuilleter les bouquins, quitte à en parler au binocle. Ça ressemble à des champignons qui existent, mais... Ok. Tu cherches donc à convaincre Belette de pas y toucher, c'est ça ? Mais je l'ai déjà convaincu. Tu te rappelles, toi, dans l'infirmerie. Ah bon ? Okay. Je sais que tu veux me faire faire des échecs, mais... Très bien, je te crois sur parole, mais je réécouterai l'enregistrement, si, attention. Donc je referme le placard et je dis qu'il faudra tirer ça au clair de toute façon. Et je vais me pioter. Bonne nuit, mes chéris. J'entends comme un bruit qui qui remue dans le placard un cliquetis, gesticulant dans le noir, ce doit être le vent, voilà ce qu'on me dit tout le temps. La nuit du coup passe, ma foi, normalement. Nourson te visite en rêve, hein, Pitoun, essaye de te consoler, de te câliner. Rassure-toi, tout va bien maintenant, elles sont parties, tout ira mieux. De toute façon, je suis là, tu es en sécurité avec moi, tu sais, tu peux rester avec moi, tu sais. Tu n'es pas vraiment obligé de te réveiller, tout va bien. Et tu te réveilles sur ces paroles. On aurait peut-être pensé à le passer à l'alambic, le nounours là quand même. Voilà le dessert, un énorme gâteau. C'est mon anniversaire, en avant les cadeaux. Que de bonheur, ce serait si paisible. Que de bonheur, s'il n'y avait ce truc horrible. On m'a volé mon nana. Bon coup de châtiment, malédiction. Rancœur, pénitence, désolation. Je ne sais pas si Pitoun parle de ses rêves à quelqu'un d'autre. Non, je les garde pour moi. Ah oui. Jasmine, tu te réveilles alors que tu rêvais certainement d'un Édouard qui te tenait par la taille pour te montrer quelques mouvements, comment mieux te positionner pour te défendre, ou tu vois, des choses comme ça. C'est ça, et mon rêve se finissait très mal puisqu'il me laissait tomber et il se tournait vers Cathy qui entrait dans la pièce. J'étais dégoûté, je me réveille en sursaut. Rêve prémonitoire ? J'espère pas. Et Cathy, on l'aime pas, hein. Il faut le bien savoir. On l'aime pas du tout. Tiens, d'ailleurs, c'est une question intéressante, Jasmine. Est-ce que tu essayes de convaincre également Pitoun, tu vois, ou je sais pas, ou même Martel ou Gros Momo de ne pas aimer ou d'aimer les personnes que tu n'aimes pas ou que tu aimes, hein. C'est vrai que Pitoun, je le mène en bateau, hein, d'après ma fiche de personnage. Bah ouais. Ah ouais, je me réveille le matin, je vais voir Pitoun. Pitoun, toi, tu la connais, Cathy, là ? Tu sais, la grosse moche, là, qui est chez les Gardoches ? Oui, enfin, de vue, mais elle est pas grosse. Ah bon ? Ah bon, bah, pardon, j'ai mal vu, peut-être. Est-ce que je peux te demander un petit service ? Je me méfie, hein, je suis toujours un peu des demandes de Jasmine. Est-ce que tu pourrais trouver quelque chose qu'elle cache ? Tu as un secret, elle a forcément un secret, cette fille. Genre, tu la suis et t'essayes de savoir ce qu'elle cache. Et tu viens de me le répéter après. En même temps, Pitoun, tu sais que chez Jasmine, c'est quelqu'un chez qui tu peux te réfugier en cas de souci. Donc je pense que t'as quand même une certaine confiance envers elle. Et je pense que Jasmine est assez maline. Si elle te mène en bateau, c'est qu'elle doit un peu te récompenser. Alors je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà. T'apporter quelque chose. À vous de définir ça, mais... Oui. Moi, je pense, Pitou, que t'as ta place en plus chez les Gardoches. À mon avis, si Cathy partait des Gardoches, tu pourrais vraiment la remplacer. Mais moi, je veux pas aller chez les Gardoches. Ah bon, mais pourquoi? C'est des vrais héros? Non, non, les vrais héros, c'est les ampoules. Ah oui, d'accord. Eh bah, ben, peut-être que tu sais que je connais quelqu'un des ampoules, moi. Et du coup, tu pourrais peut-être travailler avec tes ampoules aussi. C'est possible. Hein. Bon, je vais voir. Juste, je te demande juste de la surveiller, quoi. C'est pas grand-chose. J'ai essayé de la surveiller, mais aujourd'hui, il faut que je m'occupe de la porte avec Suzette. Ah oui, c'est pas du tout urgent. C'est pas du tout urgent. Merci, Pitoun. Et que je lui fais un bisou sur la joue. Et après, je cherche Martel. Martel, tu te réveilles déjà ? Oui, c'était un bon début. C'est toujours bien pour commencer la journée. Eh bien, tu étais en train de rêver, tu étais en train de préparer... Enfin, Belette était en train de préparer une gigantesque omelette aux champignons. Ah. Je me réveille dressé sur mon séant, en sueur. Et tu es en train de lui crier dessus, et en fait, lui dire « Mais qu'est-ce que tu dis ? T'as chopé où ton champignon ?» Et elle te montre un bol, et te dit « Je sais pas, tu préfères plutôt des Coco Pops ?» Et c'est là-dessus que tu te réveilles. En sueur. Eh bien écoute, je me remets de mes émotions et je me lève doucement parce que je suis encore un peu blessé. Non, c'est quoi, c'est une journée, une nuit, c'est ça? Un jour, une nuit, ouais. Ah mais il s'est pas reposé, hein. Il s'est levé, lui. Hein. Ah, je pensais que moi, si tu me dis que je suis guéri, hein, c'est bon, ça me va. Hein. Je pensais que c'était... on n'avait pas atteint le timing. Mais... Dans quelques heures, ouais, tu seras guéri. Bon bah alors je me lève lestement, ça va mieux. Et je vais aller voir, je sais pas si les mains sales sont déjà au boulot, on est peut-être encore trop tôt dans la journée. Non non, on est tôt là, hein. Il va falloir manger, enfin voilà. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais en cuisine commencer à préparer le repas. Mm-hmm. Moi j'arrête Martel sur le chemin. Et Martel, est-ce que je peux te parler ? Bien sûr, la semaine. Alors j'ai bien... Mais tiens, marche avec moi. Oui, alors on marche. Je lui prends le bras. J'ai bien réfléchi et comme tu dois aller en expédition, je me suis dit que je pourrais venir avec toi et comme ça les gens ils seraient impressionnés, tu vois, et puis ils diraient que je suis pas juste une peureuse, tu vois. En plus, je commence à apprendre à me battre avec Edouard et tout, donc je pense que je peux être très utile. Hein. Bah écoute, j'ai toujours su que... Je suis content que tu me proposes, j'ai toujours su que tu avais du courage en toi. Ah oui, du courage. Au moins sortir avec vous, après je sais pas sur place, tu vois. Rien que accepter de sortir, c'est déjà beaucoup plus que ne le ferait nombre d'entre nous. D'accord. Et tu crois que dans ton équipe, tu pourrais prendre Cathy ou Edouard ? Ah écoute, ça c'est pas encore sûr, je vais déjà voir si... Ah, moi je te les conseille, je trouve que Cathy, elle est vraiment très très forte, tu devrais l'emmener avec nous. Ah oui, plus que Edouard alors ? Bah Edouard aussi, il est super fort et super beau, mais voilà, peut-être que Edouard on a besoin de lui ici, tu vois, parce que c'est un grand gardoche, donc... Bah, les gardoches, ils sortent pas trop, hein. Manière. Je pense que c'est plutôt mal barré. C'est ça, mais là je pense que Cathy elle a envie de sortir. Ouais, je pense que Cathy a très très envie de sortir. D'accord. Bah écoute, j'irai lui poser la question, mais merci de ta suggestion. Et écoute, effectivement, si tu veux nous accompagner, on n'est pas. C'est rare que les gens soient volontaires pour sortir, donc je me vois mal te. Eh bah merci Martel. C'est, tu vois, j'ai vraiment envie de d'être quelqu'un de bien, quoi. Bah je vois ça, c'est bien. Fier de toi. Eh bah merci. Qu'est-ce qu'on mange du coup ce matin? Bah écoute, tu vas venir me filer un coup de main puisque t'as envie d'être quelqu'un de bien. Ah, si j'ai un truc à faire, je dois aller me nettoyer là. Ah, je comprends, ok. Écoute, si tu finis de te nettoyer plus tôt que prévu, n'hésite pas à venir passer nous voir. Ah, mais tu sais, ça prend beaucoup de temps parce que... Ouais, je sais bien, ouais. C'est... Ouais. Bah, merci Martel, salut. Bon, ouais, à tout à l'heure, Jasmine. Ouais, je t'en prie. Donc je me casse, je retourne au dortoir pour me maquiller. Ok, gros Momo, toi tu te réveilles aussi. T'étais dans un parc d'attractions en train de tourner sur des manèges et pendant qu'il y avait d'autres enfants autour de toi qui sautaient sur des ballons sauteurs et d'autres engins à ressort. C'est un cauchemar. Je me réveille humilié. Le mec il voit l'humiliation en toutes circonstances. Je me débine et me confonds en louange. Pour éviter le gros Kevin et ses tartes aux phalanges. La cantine est un cauchemar, celle-ci file de Bruxelles à l'Aïe. C'est un laboratoire et nous sommes les cobayes. Cette année de nouveaux bourreaux pour nous tenir en laisse. On fait leur entrée au tableau, Pythagore et Thalès. Ah là, je me suis rétabli quand même. Là, non, il va te falloir quelques jours hein, pour te rétablir. Jour ? J'ai pris que deux blessures. Hein. T'as trois coches, on est d'accord. T'as trois cases cochées, on est d'accord. Non, j'en ai deux. Non, c'était trois. C'est une semaine, je croyais. C'était trois parce qu'entre le vent trop fort, tu t'étais aggravé ta blessure. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, t'as pris une troisième blessure à la fin de la scène. Ah ouais, oui, bah... Tu t'as oublié, c'est pour ça. Non, t'es vraiment très mal. Hein. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, tu me vois entrer. Ah, tu te redresses. Bon, ça va quand même bien de t'être reposé comme ça. Ça t'a quand même fait du bien. Maintenant, voilà. Ouais, je me lève et je vais dans la... Enfin, je sais pas où est-ce qu'on mange au grand dortoir. Tu te redresses. Bah du coup, effectivement, Martel a certainement mis en place des marmites qui sont venues, un ou deux marmites qui sont venues servir à bouffer dans l'infirmerie, quoi. Ouais. Ah, dans l'infirmerie, ok. Tu peux te redresser, mais tu pourras pas te lever avant encore un ou deux jours facile, si c'est pas trois. Et voilà, tu seras toujours pas en grand état. Et une fois que ces jours seront passés, tu pourras enlever la troisième coche, ce qui te laissera donc deux coches de cocher. Ah ouais, ok. Eh oui. Ok, bah je me lève et j'ai envie d'aller en toilette. Tu fais comment ? Ah bah tu peux y aller. Quelqu'un t'aide ou... Je demande à quelqu'un, enfin la personne en charge. Bah là, tu vois Martel, en fait, qui arrive à ce moment-là, qui s'approche de toi. Tout à fait. Ah, Martel ! Et donc, il y a Martel qui s'approche de toi, et vos deux perdus tombent en même temps sur Tom, au milieu de la salle. Tom, qui ne bouge plus. Il est au milieu d'une flaque de sang. Oh merde. Mais quoi, il était debout et quoi, hein ? Non, il est par terre, il était blessé, il était avec tout le monde dans l'infirmerie. Ah, merde. Il est sur sa couche, sauf que sa couche est imbibée de sang, il y a du sang partout, il est au milieu d'une flaque de sang. Oh putain, bah moi je m'approche rapidement en appelant les binocles de service qui devait être de garde. Et vous voyez en fait qu'il a une blessure à la gorge et du sang, le sang a coulé de partout de sa gorge. C'est Tom, le chef des ampoules. Des ampoules. Ah ouais, bah c'est tout vu, on a déjà le coupable. Hein. C'est Marco forcément qui est possédé. Marco il est à la lambic normalement, donc il va falloir vérifier ça. Non, c'est Cathy. Ou c'est Cathy. Ouais, c'est Cathy la coupable. Je vais pas le suggérer tout de suite.